Ô Dieu, selon ton amour immense, selon ta grande compassion, efface mes fautes, lave mon âme, purifie-moi de ma rébellion. Je reconnais mes égarements, mon péché se dresse devant moi. Contre toi seul j'ai péché vraiment. J'ai fait ce qui offense ta loi. Tu es juste dans tout ce que tu dis, pur dans tous tes jugements. Je suis né dans une nature blessée, marquée par le péché dès le commencement. Tu aimes la vérité au fond du cœur, dans le secret tu m'enseignes ta sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, Seigneur, et plus que la neige, je deviendrai sans tache et sans faiblesse. Annonce-moi la joie du pardon, que mes os brisés exultent encore. Détourne ton regard de mes transgressions, efface toutes mes fautes, ô Dieu fort. Ne retire pas ton esprit de moi.